إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن الله تعالى هو المتفرد بالربوبية فهو رب العالمين لا رب سواه لا رب سوى يخلق ويرزق ويحيي ويميت وينفع ويضر ويبتلي ويعافي لا يخرج شيء عن سلطانه ولا يكون شيئا بغير إذنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لم يجعل الله لأحد من الخلق شيئا من ذلك لا من الملائكة ولا النبيين فضلا عن من دونهم قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وقال عز وجل قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا فالله تعالى يأمر عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك من ذلك شيئا فهل يظن أن غيره من الخلق يملك شيئا من ذلك اللهم لا إن إيمان المسلم بهذا الأصل العظيم يوجب عليه أن يكون قلبه معلقا بالله وحده في السر والجهر واليسر والعسر والرخاء والشدة إليه يلجأ وبه يستعيذ وعليه يتوكل قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال تعالى فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير وقال عز وجل فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وأثنى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا يلجأون إلى الله عند الفزع فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فالاستعاذة بالله توحيده والاستعاذة بغيره شركه إلا أن ذلك لا يمنع من الأخذ بالأسباب المباحة التي تقي من الشرور بإذن الله كأخذ العلاج للمرض والاتقاء بالذل من الشمس والاتقاء بالصوف من البرد وهكذا في جملة كبيرة من الأمثلة فالأخذ بالأسباب المباحة من تمام التوكل على الله تعالى كما أن تعتيلها قدح في الشرع ونقص في العقل فإن الله عز وجل أجرى الأمور بأسباب تسبقها وإذا شاء سلب ذلك السبب خاصيته فلم يؤثر ولم يجد شيئا ولم يؤذي شيئا كما جعل النار محرقة ولما ألقى قوم إبراهيم في النار ليحرقه قال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما لم تحرقه ولم تمسه بسوء ولكن من الناس من يتقي الشر قبل نزوله أو يحاول الخلاص منه بعد نزوله بالأسباب المحرمة ومنها لبس الحرقة والخيط وتعليق التمائم على الإنسان والحيوان والمركب أو المنزل فمن علق هذه التمائم فهو بين أحد رجلين أما أن يعتقد أن هذه الحروز أو التمائم تدفع الضر بنفسها وقوتها وخاصيتها فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام لأنه اعتقد مع الله شريكا يملك الضر والنفع وإما أن يعتقد أنها سبب بإذن الله فهذا شرك أصغر صاحبه على خطر كبير وإن لم يخرجه من ملة الإسلام لأن الله عز وجل لم يجعل هذه الأمور أسبابا في دفع الضر أو جلب النفع وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة محذرة من تعليق التمائم بكل أشكالها وأنواعها سواء كانت من التلاسم أو الريش أو الجلد أو المخلوقات البرية أو البحرية أو من الخيوط أو غيرها بل إن عموم النصوص يدخل فيها تعليق القرآن والأحاديث بقصد الوقاية من الشرور أو إزالتها وهو مذهب جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين فمن النصوص الوارد في هذا الباب حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حرقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة فقال أنزعها فإنها لا تزدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي لبس الحلقة بسبب المرض الذي أصابه فأضعف يداه وأمره بنزعها بشدة وسرعة ثم أخبره بأنه لو مات قبل أن يتوب منها لا ما أفلح ولا فاز ولا كان مصيره إلى النار والعياذ بالله وأن عقبة ابن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلق تميمة فلا تم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي من تعلق قلبه بتميمة فلا تم الله قصده وتلبته ومن تعلق ودعه فلا جعله الله له راحة ولا اطمأنينة يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك عقوبة له لما أقدم على هذا العمل الشركي الذي يقدح بالتوحيد وإخلاص الدين لله وأقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الناس فبايع تسعة وأمسك عن العاشر فقالوا يا رسول الله بيعت تسعة وأمسكت عن هذا فقال إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من تعلق تميمة فقد أشرك أي فقد أشرك شركا أكبر إن اعتقد في التميمة أنها تدفع الضر بنفسها والشرك أصغر إذا اعتقد أنها سبب في دفع الضر بإذن الله فالله لم يجعلها سببا بل نهى عنها وعداها شركا قال ابن عبد البر رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك قال إذا اعتقد الذي علقها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر واعتقاد ذلك شرك لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله وهم مشركون أي ما يؤمن أكثرهم بالله ربا إلا وهم مشركون في عبادته شركا أكبر أو شركا أصغر وقليل من الناس من يحقق التوحيد ولا سيما في باب التوحيد فعليه أن يبادر بإنكاره حسب الاستطاعة وحسب قواعد الشريعة لأن السكوت عن الإنكار والبيان هو الذي يتسبب في انتشار الشر وعموم البلوة به ووقوع الناس فيه عباد الله فإن التعلق بالتمائم من أمور الجاهلية وخصالها التي لا يزال يتعلق بها بعض الناس مع الأسف البالغ وقد جاءت الشريعة بحربها والنهي عنها فعلى المسلمين جميعا البراءة منها والحذر من تلاعب الشيطان بالعقول والنفوس، فلو كانت خيرا لدل عليها الشرع. إن من الناس من يلبس عليهم الشيطان بالتجارب، فتجده يقول: لبس التميم فلان وشفه، ولم يلبسها فلان فلم يشفى، وآخر يقول: لم نضعها للمولود الأول ومات، والثاني ومات، فلما وضعناها للولد الثالث عاش، وهكذا في قصص كثيرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومما يجب التنبيه أن التجارب لا يجوز أن تكون دليلا تعارض به نصوص الشريعة، ولكن هذه القصص إذا ثبتت فهي من باب الابتلاء والاختبار، يمتحن الله عباده ليتبين من يثبت على الصراط المستقيم ومن تزل به القدم إلى طريق أصحاب الجحيم. ومن التمائم المنتشرة تعليق جلود الذياب ورؤوسها، وتعليق رسمة العين الزرقاء، يعني العين الزرقاء اللي نلقاها يعني، وتعليق الخرق السوداء على السيارات، ووضع المصحف في السيارة لحماية السيارة، ويعني كتاب بعض الآيات والأذكار على البيوت، إلى غير ذلك من صور التمائم الكثيرة المنتشرة. فنسأل الله تعالى أن يطهر المجتمع الإسلامي منها. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، serviteur d'Allah, craignez Allah comme il se doit, et ne soyez pas de ceux qui suivent la voie des innovateurs ni des polythéistes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a interdit de faire tout pour essayer de ressembler aux non-musulmans. قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر دب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن. مسجد الله صلى الله عليه وسلم a dit: vous suivrez les traditions de ceux qui vous ont précédé dans tout, coudé après coudé, pas après pas. Même s'il rentrerait dans un trou dans les arbres, vous ferez votre possible pour rentrer dans ce trou. Les compagnons ont dit: ô messager d'Allah, qui imiterons-nous, les juifs et les chrétiens? Il a dit: qui alors? Pourquoi ce hadith? Car de nombreux musulmans, serviteurs d'Allah, tombent dans du polythéisme qui peut être majeur ou mineur, en voulant agir et faire des choses que les polythéistes font. Serviteurs d'Allah, sachez que la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. Et la meilleure des guidées, c'est la guidée de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et que les plus mauvaises choses sont toutes les choses inventées dans la religion. Et toute chose nouvellement inventée dans la religion pour se rapprocher d'Allah est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Et tout égarement mène au feu de l'enfer. Serviteurs d'Allah, Allah le Très-Haut est unique dans sa seigneurie. C'est lui le seul seigneur des mondes. Pas d'autre seigneur en dehors de lui qui puisse créer, pourvoir la subsistance, donner la vie, donner la mort, bénéficier, nuire, tester et préserver. Rien ne sort de sa seigneurie et rien n'est que de par sa permission. Ce qu'Allah veut est, et ce qu'Allah ne veut pas ne sera pas. Allah le Très-Haut n'a pas donné cela à une de ses créatures, ni les anges ni les prophètes. Allah le Très-Haut ordonne à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire, dans la traduction du sens du verset, « Dis, je ne détiens pour moi-même ni profit, ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. » Ceci, ce verset est notamment une réfutation de ceux qui prétendent notamment que leur chair connaisse l'inconnaissable, en disant que leur chair connaît ce qui est dans le cœur d'un individu, alors que le prophète alayhi salatu wasalam lui-même ne connaissait pas l'inconnaissable tel qu'Allah lui a ordonné de dire, et le prophète alayhi salatu wasalam ne connaissait pas ce qui était dans le cœur des gens. Barakallahu fikum. Donc Allah le Très-Haut ordonne à son prophète alayhi salatu wasalam de dire, dis, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage sauf ce qu'Allah veut. Et Allah le Très-Haut ordonne également à son prophète Muhammad alayhi salatu wasalam de dire, dans la traduction du sens du verset, dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Donc Allah le Très-Haut ordonne à son serviteur Muhammad alayhi salatu wasalam d'annoncer aux gens qu'il ne détient pour lui-même, ni pour autre que lui, le moyen de faire le mal ou d'être bénéfique dans quoi que ce soit. Et si le prophète alayhi salatu wasalam lui-même, ne détient rien de cela, peut-il encore y avoir quelqu'un d'autre que lui qui peut prétendre détenir cela ? Par Allah, non. Et celui qui prétend cela n'est qu'un menteur et un charlatan. C'est pour cela que dans la foi du musulman, le cœur du musulman ne doit être attaché qu'à Allah Azza wa Jal seul. Dans tous les cas, aussi bien dans la facilité que dans la difficulté. Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens du verset, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Et Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, implore donc la protection d'Allah, car c'est lui l'audient, le clairvoyant. Et Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, cherche refuge auprès d'Allah, c'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. Cherche refuge auprès d'Allah. Implore Allah. Remets-toi-en à Allah Azza wa Jal seul. Pas à des objets, pas à des créatures. Barakallahu fikum. Mes chers frères, barakallahu fikum, si vous pouvez, inshallah, essayer de vous rapprocher pour essayer de laisser de l'espace aux frères qui rentrent. Jazakumullahu khair. Et Allah le Très-Haut a félicité Muhammad alayhi salatu wasalam et ses compagnons qui revenaient constamment vers Allah lors des troubles. Allah le Très-Haut dit dans la traduction du sens du verset, certes, ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les, cela accrut leur foi et ils dirent, Allah nous suffit. Et ils dirent, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Chercher la protection d'Allah seul, c'est appliquer le tawhid d'Allah, le pur monothéisme d'Allah. Et rechercher la protection d'autres qu'Allah, c'est associer cette autre chose à Allah Azza wa Jal. Et ceci, c'est du polythéisme. Il faut souligner que placer sa confiance en Allah seul n'interdit pas de faire les causes qui permettent de se protéger d'un mal par la permission d'Allah Azza wa Jal. Tel que celui qui va prendre des médicaments lorsqu'il est malade. D'accord ? Il va prendre ce médicament, il va faire cette cause-là, mais il sait que la guérison ne provient que d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Donc il fait les causes. Tel que celui qui va se mettre à l'ombre pour se protéger du soleil, il fait les causes. Ou celui qui se couvre pour se protéger du froid. Prendre des moyens licites fait partie du fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Tandis que le fait de ne pas faire les causes est un dénigrement de la législation d'Allah et une déficience mentale. C'est Allah le Très-Haut qui contrôle tout et qui fait ce qu'il veut. Comme il peut retirer la spécificité d'une cause, et cette cause ne pourra alors avoir aucun effet. D'accord ? Une chose qui est connue, telle le feu. Le feu, c'est connu pour brûler. Et Allah Azza wa Jal peut lui retirer le fait que cela brûle, comme c'est le cas qui est arrivé à Ibrahim a.s. lorsque le peuple d'Ibrahim voulait le brûler. Lorsque le peuple d'Ibrahim voulait brûler le prophète Ibrahim a.s., Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, « Au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. » Ce feu fut ainsi une fraîcheur salutaire et ne brûla pas Ibrahim alayhi salatu wa salam. Mais il y a des gens qui craignent le mal avant que celui-ci ne se produise, ou qui tentent de s'en débarrasser après que ce mal est arrivé, en utilisant des moyens qui sont interdits, tels que le fait de porter un anneau, ou un fil, ou un talisman, ou autre chose pour dissiper un malheur, ou le repousser en accrochant des amulettes, ou ce qu'ils appellent main de Fatma, ou autre chose qu'ils puissent accrocher dans la voiture, ou sur les animaux, ou dans les maisons, ou autre. Celui qui accroche des amulettes, il est dans une de ces deux situations. Celui qui accroche ce genre de choses, il est dans une de ces deux situations. Soit qu'il croit que ces amulettes, ou talismans, ou colliers, ou bracelets en cuivre, tout ce que cet individu croit que... Donc soit il est dans cette position-là, il croit que toutes ces choses-là, repoussent par eux-mêmes le mal. S'il croit que en mettant ça, ça va repousser le mal. Repousse par eux-mêmes le mal. Ceci est du polythéisme majeur. Ça veut dire que l'islam de l'individu est invalide, est nul. Ça fait sortir l'individu de l'islam. S'il a cette croyance-là, qu'en portant cette main de Fatma, ou ce talisman, ou ces amulettes, et en les accrochant, ou le fer à cheval, ou quoi que ce soit, s'il croit que ceci va repousser le mal, eh bien cela, si c'est ça sa croyance, cela annule son islam. Il n'est plus musulman. Ou soit qu'il croit que ces talismans, ces amulettes et autres ne sont qu'une cause par la permission d'Allah, une cause qui peut repousser le mal par la permission d'Allah, ceci constitue du polythéisme mineur. Lorsqu'on dit polythéisme mineur, ça amoindrit pas le péché, barakallahu fikum. Ce n'est pas parce qu'il y a le terme mineur que ça veut dire que c'est petit. Le polythéisme mineur, ça fait partie des péchés majeurs. Et Allah Azza wa Jal ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, que ce soit du majeur ou du mineur. Comme Allah Azza wa Jal dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela. Donc s'il croit que ses talismans, ses amulettes et autres ne sont qu'une cause par la permission d'Allah, ceci constitue du polythéisme mineur, faisant partie des grands péchés, et celui qui a cette croyance est sous la menace d'entrer en enfer s'il meurt dans cet état sans s'en être repenti. Car Allah le Très-Haut n'a pas légiféré ces choses comme faisant partie des causes légiférées pour repousser un mal ou apporter un bien. Allah Azza wa Jal, il n'a pas légiféré que ces choses-là, elles puissent repousser un mal ou apporter un bien. Les textes dans le Coran et la Sunna mettant en garde contre toutes sortes de talismans, d'amulettes et tout ce qui s'y apparente, qu'elles soient faites de plumes, de peaux d'animaux, terrestres ou marins, fils, matières en cuivre ou anneaux, tout ce qui rentre dans cela, ce qui est général dans les textes aussi, c'est le fait que d'accrocher le Coran et les hadiths, pensant que cela protège du mal ou enlève un mal, et c'est l'avis d'un groupe des compagnons du prophète alayhi salam et Ibn Mas'ud notamment radiallahu anhum, et bien qu'ils voient que cela fait aussi partie du polythéisme mineur s'ils pensent que c'est une cause à repousser un mal par la permission d'Allah. Mais s'ils croient qu'en accrochant ces choses-là ou en laissant son Coran dans la voiture, ça va. En laissant le Coran dans la voiture, ça va le protéger. D'accord ? Il pense que c'est ça qui va le protéger. C'est du polythéisme majeur qui annule l'islam de l'individu. Parmi les textes, il y a le hadith de Imran ibn Hussein, qu'Allah l'agré, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un homme portant un anneau de cuivre. Il lui demanda, qu'est-ce cela ? L'homme répondit, c'est contre la faiblesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, débarrasse-en toi, cela ne t'apportera que surplus de faiblesse. Et si tu meurs en portant cet anneau, tu ne connaîtras jamais la réussite. Et l'imam Ahmed rahimahullah rapporte aussi dans le hadith, aussi le hadith du prophète alayhi salatu wasalam, qui dit, quiconque s'attache à une amulette, qu'Allah fasse en sorte que ses projets n'aboutissent pas. Quiconque, ça c'est la da'wa du prophète, alayhi salam, l'invocation du prophète, alayhi salam, quiconque s'attache à une amulette, qu'Allah fasse en sorte que ses projets n'aboutissent pas. Et quiconque s'attache à un coquillage, qu'Allah ne le laisse pas goûter le repos. Donc l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wa salam, a invoqué contre tout individu qui s'attache à ces choses, car ce sont des actions polythéistes. Il y avait un groupe de 10 personnes qui étaient venues pour prêter allégeance au prophète, alayhi salatu wa salam. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, a accepté l'allégeance de 9, excepté 1. Ils dirent alors, « Ô messager d'Allah, tu as accepté l'allégeance de 9 et tu ne l'as pas fait pour celui-ci. » Il répondit, alayhi salatu wa salam, « Il porte une amulette. » Subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wa salam, vous voyez, il a vu que cet individu portait une amulette, il a refusé qu'il vienne faire, qu'il porte allégeance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, répondit, il porte une amulette. L'homme arracha son amulette et c'est alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prit son allégeance. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque porte une amulette a commis un acte de polythéisme. L'imam ibn Abd al-Barr, rahimahullah, a dit concernant la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quiconque porte une amulette a commis un acte de polythéisme, il dit, celui qui la porte ou l'a accrochée en croyant que cela repousse le mauvais œil. Hein? Celui qui la porte ou qui l'a accroché en pensant que cela repousse le mauvais œil, il croit ainsi que cela repousse le destin, et la croyance de cela est du polythéisme. Car en fait, ces individus recherchent à repousser un destin déjà écrit et recherchent à repousser un mal en dehors d'Allah, alors que c'est Allah seul qui peut repousser le mal. Hudhayfa radiallahu anhu vit un homme porter un fil censé le protéger contre la fièvre. Et Hudhayfa radiallahu anhu lui arracha le fil et récita la parole d'Allah dans la traduction du sens du verset. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Dans la croyance, dans le pur monothéisme, le tawhid d'Allah azza wa jal, il est indispensable d'interdire tous ces genres de choses qui s'accrochent au cou, au poignet, dans les voitures, les maisons, etc. Il faut interdire ce mal et ce danger énorme qui corrompt la croyance de l'individu et le met en danger. Pourquoi j'avais cité au départ le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a informé que des gens de sa communauté feront tout leur possible pour ressembler aux juifs et aux chrétiens. Parce que comme vous le savez, il y en a parmi les chrétiens qui accrochent ce qu'ils appellent Saint-Sébastien. Ils disent ça les protège pour le trajet. Et aujourd'hui, vous voyez des musulmans accrocher ce genre de truc. Et ceux qui ne sont pas musulmans voient les musulmans accrocher cela, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, vous voyez, c'est comme nous. Eux, ils pensent que cette chose-là va les protéger. Vous voyez le danger, il est où? L'individu corrompt sa croyance et il se met en danger, soit il commettra du polythéisme majeur s'il croit que c'est ça qui le protège, qui protège dans sa voiture, qui repoussera le mal, et donc ça annule son islam. Ou soit il commet du polythéisme mineur en pensant que c'est une cause, mais par la permission d'Allah, et ça fait partie des péchés majeurs. Et en plus, les autres personnes qui ne sont pas musulmanes et qui voient cela, eh bien, regardez, il leur fait croire que dans l'islam, il y a aussi du polythéisme. A'oudou billah. Donc il faut craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit, car être musulman, barakallahu fikoum, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Donc l'image que tu reflètes, c'est une da'wa. L'image que tu reflètes, c'est une da'wa, c'est une invitation. Serviteur d'Allah, le fait de se taire lorsque l'on voit ce genre de choses, que lorsque quelqu'un porte cela ou fait cela, et si l'individu se tait, eh bien cela n'est qu'une opportunité à laisser le mal se propager. Rappelons-nous qu'interdire quelque chose de blâmable ne se fait qu'avec les règles de la loi d'Allah Azza wa Jal. Serviteur d'Allah, le fait de porter toutes ces choses fait partie de la jahiliya, de la période pré-islamique. Et cela ne fait partie en rien de l'islam. Les musulmans se doivent tous de se désavouer de toutes ces choses et d'être en garde contre les pièges du diable qui joue avec le mental des gens. Mais rappelez-vous que s'il y avait le moindre bien dans ces choses-là, eh bien, la législation d'Allah Azzawajal l'aurait prouvé. Il y a des gens qui se font tromper par le diable et ceux qui suivent la voie du diable. En effet, vous trouverez certains dire, ils vont utiliser leur expérience en tant que preuve, et ceci est strictement interdit dans la religion. Un tel a porté une amulette ou un talisman ou autre, et il fut guéri, tandis qu'un tel ne l'a pas porté et il est encore malade. D'autres diront, nous n'avons pas mis ce talisman ou cette amulette à ce nouveau-né et il est décédé. C'est également le cas pour le second. Quant au troisième, on lui a mis une amulette ou un talisman et il vit. Et vous trouverez cela dans de nombreuses autres histoires. Donc ne soyez pas déroutés par le diable et ses adeptes. Il faut rappeler que l'expérience d'un tel ne peut en rien être utilisée en tant que preuve pour opposer les textes légiférés. La preuve du musulman, c'est Allah, il dit, Allah Azza wa Jal dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les sahaba disent, ce n'est pas par expérience, d'accord ? Barakallahu fikum. Et même si ces histoires avaient été vraies, il faut se rappeler que cela fait partie des épreuves. Allah Azza wa Jal éprouve ses créatures et clarifiera par cela ceux qui restent fermes sur la voie droite de ceux qui tombent dans le chemin des gens du feu. Enfin, parmi les talismans et amulettes connues, il y a ce que j'appelle la main de Fatma, l'œil bleu. Les gens, ils vont dans des pays, ils vont acheter cela pour les donner en cadeau. Hein, ils accrochent ça dans ta voiture ou dans ta maison et tout cela. Le fer à cheval, le fait de laisser un Coran dans la voiture. Il y en a même des Corans comme ça, tout petits là. C'est illisible. Il y en a qui les portent en tant que collier. Ou bien ils portent le verset du trône, Ayatul Kursi. Hein? Et subhanallah, et peut-être il ne fait même pas la prière. Et peut-être, Hachakum, il rentre dans les toilettes avec. Tout cela, barakallahu fikum, ne fait pas partie de la religion d'Allah Azza wa Jal. Ne fait pas partie du message avec lequel est venu le prophète Muhammad Ali Salat wa Salam. Le message du prophète Muhammad Ali Salat wa Salam, c'était d'inviter les gens. Dites, nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah. Et les actes d'adoration, c'est tout ce qui est lié avec le cœur. Donc si ton cœur s'attache à une créature, à une chose, hein, et tu crois que ceci peut avoir un bien, ou ceci peut te protéger, eh bien tu associes à Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas le tawhid d'Allah, ça. Ce n'est pas le pur monothéisme. D'accord ? Il y en a même qui font, ils mettent des autocollants maintenant, d'accord ? Dans leur voiture, subhanallah, ou le fait de porter des anneaux de cuivre, ou des bagues en cuivre, ou des colliers, et tout ce qui s'y apparente. Et il y en a même qui vont faire ce genre de papier et qui vont les distribuer. Ils mettent les noms, ils disent 99 noms d'Allah, et ils mettent ici plein de shirkiyat, plein de polythéisme. Ils invoquent les anges sur ce papier. Ils invoquent les anges. Ils invoquent le prophète Mohammed et ils écrivent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ils n'ont rien compris. Invoquer autre qu'Allah, c'est du polythéisme majeur. Et ils disent garde ça dans ta poche, ça t'apportera du khayr et de la baraka. Et je l'ai vu de mes propres yeux, puisque j'ai conseillé ses frères qui étaient dans cela. Ils accrochaient ça sur leur mur de leur restaurant. Ils accrochaient ça dans leur business en pensant que cela va leur ramener le risque. Hein? Et ceci est strictement interdit. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous préserver de tout cela et de nous maintenir sur la voie droite, sur la voie prophétique sur laquelle était le prophète Muhammad Ali Salat wa Salam et de guider tous les musulmans vers la voie droite. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt. وبارك لنا فيما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله